base d'Adil. Je sais pas si tu sais ça. Je sais pas si tu sais ça. Mais depuis que tu n'es plus là, le cœur n'est vraiment pas. Je sais pas si tu vois ça. Mais depuis que tu n'es plus là, mon cœur est froid ici bas. Je sais pas si tu sais ça. Mais depuis que tu n'es plus là, le cœur n'est vraiment pas. Je sais pas si tu vois ça. On a beau me dire que c'est ainsi, on a beau me dire que c'est la vie, et que là-haut dans les cieux est le paradis, qu'un jour ou l'autre on rejoindra l'Éden aussi. Je m'en ai d'échange quand un être est parti, mon chemin est bordé, ton mais ton sourire l'éclaircit. Tu ravives ma foi et tu apaises mon esprit, sans un au revoir, un beau jour tu es parti. Ton monde est-il meilleur ou est-il bien pire qu'ici? L'absence fait mal à jamais, mon âme est meurtrie. De ta voix perdue me rend triste et aigri, mais rien n'effacera ces instants précis. Chibidibidoubadé, chibidibidoubadé, chibidibidoubadé, chibidibidoubadé. Oh, je sais pas si tu sais ça, mais depuis que tu n'es plus là, le cœur n'est vraiment pas. Je sais pas si tu vois ça. Depuis que tu n'es plus là, mon cœur est froid ici bas. Je sais pas si tu sais ça. Mais depuis que tu n'es plus là, le cœur n'est vraiment pas. Je sais pas si tu vois ça. Oh non. Je sais pas si tu sais ça. Mais depuis que tu n'es plus là, mais depuis que tu n'es plus là. Non non, je sais pas si tu vois ça. Mais depuis que tu n'es plus là, mais depuis que tu n'es plus là. Oh yeah. Je sais pas si tu sais ça. Mais depuis que tu n'es plus là, le cœur n'est vraiment pas. Je sais pas si tu vois ça. Mais depuis que tu n'es plus là. Mais là-bas, là-bas, si loin de la foule. Mais là-bas, oh, rien ni personne ne saoule. Mais là-bas, seul le silence roule. Mais là-bas, moi de ta voix je me saoule. Je sais pas si tu sais ça. Mais depuis que tu n'es plus là, le cœur n'est vraiment pas. Je sais pas si tu vois ça. Mais depuis que tu n'es plus là, mon cœur est froid ici bas. Je sais pas si tu sais ça. Mais depuis que tu n'es plus là, le cœur n'est vraiment pas. Je sais pas si tu vois ça. Oh non. Je sais pas si tu sais ça. Mais depuis que tu n'es plus là, le cœur n'est vraiment pas. Je sais pas si tu vois ça. Mais depuis que tu n'es plus là, mon cœur est froid ici bas. Je sais pas si tu sais ça. Mais depuis que tu n'es plus là, le cœur n'est vraiment pas. Je sais pas si tu vois ça. Oh non. Je sais pas si tu sais, non. Je sais pas si tu sais ça. Mais depuis que tu n'es plus là, le cœur est froid ici bas. Je sais pas si tu sais, non. Je sais pas si tu sais ça. Oh ya, oh ya, oh ya. Je sais pas si tu vois ça. Je sais pas si tu vois, non. Mais depuis que tu n'es plus là, mon cœur est froid ici bas. Je sais pas si tu vois ça. Je sais pas si tu vois, non.